Cette édition du Undead Incorporated Show réanimation, je vous proposerai deux nouveautés musicales dont l'une assez particulière, mais toutes les deux fort appréciables. La deuxième parution de la jeune formation britannique Voices et l'album London, et la deuxième étant la nouvelle sortie des puissants Behemoth, soit le mini-album Xyads. Par la suite, je vous donnerai un cours magistral de bricolage pour le temps des fêtes qui portera sur l'assemblage de bras et de jambes issues de divers corps sur un même tronc, que nous aurons au préalable habillé dans un costume de Père Noël. Pour ce faire, nous utiliserons de la colle non toxique, fabriquée à base de farine d'eau, du papier de construction de couleur rouge, des ciseaux à bourrons, pour éviter tout risque de coupure, des cure-pipes, de la ficelle, plusieurs modèles de scie électrique, ainsi qu'une forte dose de foudre de plusieurs milliers de volts. Si vous y survivez, vous aurez probablement un joyeux invité pour Noël, un bizarroïde Père Noël aux allures qui risque de donner des crises d'apoplexie aux enfants, malpropre, et qui prendra beaucoup plus qu'il ne donnera. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin qui tente de faire l'animation d'ateliers de bricolage, surtout lorsque ces ateliers se transforment rapidement en films d'horreur tournés dans un asile psychiatrique de Kalour. Mais quand même, j'ai toujours beaucoup de plaisir à voir les participants perdre la raison. We are Undead Incorporated, enfoiré, 'cause I, Pendragon, said so. Go! We're all cowards too scared to take the Trois-Rivières, c'est le 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Fou de contraste. Jeudi le 11 décembre à 20h, le Nord-Ouest Café accueille Dance Laurie Dance, qui revient tout juste d'une tournée en Europe. Ce groupe a connu une forte montée en popularité suite à leur concert en première partie de Metallica en 2011 sur les plaines d'Abraham. 18$ à la porte. Ne manquez pas Dance Laurie Dance au Nord-Ouest Café ce jeudi 11 décembre. Le Nord-Ouest Café, 1441 Notre-Dame, Centre-Ville, Trois-Rivières. Dans une pinte, microbrasseurs et micro-torréfacteurs se rassemblent pour vous faire découvrir des saveurs locales du petit matin jusqu'en fin de soirée. Des bières traditionnelles et novatrices, des cafés frais torréfiés autour d'une table évolutive et originale. Lieu de prédilection pour une session d'études, un souper et une soirée conviviale dans un cadre rustique évoquant l'époque ouvrière. Parce qu'il fait soif d'originalité et de qualité. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas Rock de Neurones les lundis 20h. Écoutez, Mme Poitras, c'est pas facile de vous annoncer ça, j'ai une grosse nouvelle. Votre mari passera pas la nuit. Oh non! Pas mon mari! Non, il passera pas la nuit à l'hôpital, vous pouvez y aller! Oh, désolé, c'est juste pour voir votre face, ça me laisse en pièce. C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Lundi, le 8 décembre, venez voir les Oranges et les Bleus s'affronter dans un grand duel de blagues et d'émotions fortes. 20h, Chasse-Galerie, gratuit. Fou d'exploration. Sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 89.1. C'est fou. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette première édition de ce dernier mois de l'an des disgrâces 2014, soit le 2 décembre. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagne métalliquement, ce jusqu'à 21h. Avant cette pause publicitaire, nous avons eu le bloc d'entrée de cette édition qui était déconstitué comme ce qui suit la formation suisse de Zurich, le trio Coroner et la pièce de Favorite Game que l'on retrouve sur leur dernière parution en 95. En fait, j'ai dit dernière parution. Si l'on veut, album qui porte tout simplement le titre de Coroner. Il s'agit d'une compilation de pièces, si on veut, inédites. Donc, compilation. Est-ce que une compilation de pièces inédites peut s'appeler une compilation? J'en suis pas certain, mais peu importe. Il y a des bons trucs là-dessus. C'est apparu sur Noise. J'ai dit dernière parution parce qu'il y a The Unknown qui est paru en fait en 96, qui relate les des unreleased tracks, si vous préférez, encore des choses qui n'étaient pas sorties entre 85 et 95. Bon. Bref. Nous avions Probot juste auparavant. Probot, ce n'est pas un groupe, mais bien un projet qui est mené par Dave Grohl, qui met en vedette plusieurs musiciens connus, bien entendu. On parle ici dans la pièce que j'ai retenue de Snake, parce qu'il s'agissait de la pièce Dictatosaurus, qu'on le retrouve sur l'album homonyme qui est paru en 2004 sous Southern Lord Recording. C'est intéressant de voir l'ouverture d'esprit de Dave Grohl au niveau musical parce que il s'associe à toutes sortes de styles, à toutes sortes de musiciens pour faire toutes sortes de musique finalement. Et puis généralement, ben, je dois dire que ça donne des choses assez intéressantes, du moins très souvent. Nous avions Accept, formation allemande, et la pièce de Quick and the Dead. C'est une pièce qu'on retrouve sur l'album de 2012, Stalingrad, qui était sous l'étiquette Nuclear Blast. Angel Witch. Ah, ça, c'est pas jeune, Angel Witch, là. En fait, une formation britannique encore qui vient de Londres. Une formation qui a vu ses débuts de 76 à 78 sous le nom de Lucifer et de 78 à 82 sous le nom d'Angel Witch pour prendre une pause à 80. En fait, de revenir à 84 à 98, une pause jusqu'en 2003 pour revenir en 2005 et une autre pause de 2008 jusqu'à aujourd'hui. Phew! Ça, c'était tiré de leur deuxième parution complet studio, Screaming and Bleeding, qui est paru en 85, la pièce Host to Blame, pièce d'ouverture de cet album, qui était sur Kilowatt Recording. C'est un bon album de Angel Witch. C'est une excellente pièce aussi. On est ouvert avec un classique. Ah ouais, ça, c'est définitivement un classique. Et je dois dire que c'est pas mal là que ça s'arrête pour moi, pour cette formation-là, Judas Priest. L'ouverture des Aliens qui était tout de suite suivie de Electric Eye. On retrouve ça sur Screaming for Vengeance, c'est paru en 82. Pourquoi ça s'arrête là? Ben, ça s'arrête là. Pas loin. Pas très loin de pas très loin après cela. Par la suite, j'ai complètement décroché de Judas Priest. Encore aujourd'hui, je ne suis plus du tout intéressé à ce qu'ils ont fait après cette période de, si on veut, presque mi-80. J'ai pas vraiment aimé. Je préfère encore même le plus vieux Judas Priest que ça, celui des années 70. Cette semaine, nous avons une émission chargée, évidemment. Vous l'attendiez, celle-là. C'est pas une surprise. Oui, une émission chargée parce que j'ai deux présentations, dont une dans quelques instants, dont je vais vous entretenir. La deuxième qui sera plus tard en émission, mais il s'agit de ce mini-album de la formation polonaise Les Puissants Behemoth. L'album, l'apparition étant Xiads, et encore ici, je ne peux pas vous dire si je le prononce correctement, j'ai fait plusieurs recherches, et en fait, je crois que je ne suis pas le seul à se demander comment prononcer le nom, en fait, exactement le nom de cet album, qui s'écrit X-I-A-D-Z, je présume que c'est Xiads. J'ai cherché une signification aussi, je n'en ai pas trouvé. Bref, c'est paru hier, soit le 1er novembre, sur New Iron Music. Il s'agit de trois pièces, dont je vous entretiendrai un peu plus longuement, un peu plus tard dans l'émission. J'ai aussi une chronique cinéma, une petite chronique musicale, parce qu'elle va être en deux segments, une dans quelques secondes et l'autre un peu plus tard. Et j'aurai un bloc, ma foi, un long bloc de pratiquement 37 minutes qui fera des incursions entre le métal progressif, extrême et le métal pratiquement progressif expérimental par certains moments. Donc, j'imagine qu'il va en avoir pour pas mal ou presque tous les goûts. C'est dur à dire, c'est dur à faire aussi. Mais ça, c'est pas grave parce que c'est moi qui programme. C'est pas très gentil de dire ça et j'en conviens. Donc, la première présentation que je me propose de vous faire cette semaine, il s'agit de la formation britannique qui vient également de Londres, Voices. C'est une jeune formation qui existe depuis 2012. C'est un quatuor. Ils en sont à leur deuxième album studio complet. Le premier étant paru l'an dernier en 2013, étant le nom de From the Human Forest Create a Fuge of Imaginary Rain. Un peu long. Et le deuxième, qui porte un titre beaucoup plus court et évocateur de où ils viennent, London, qui est paru le 17 novembre dernier sous l'étiquette Candlelight Records. C'est un album qui dure quand même 1h35, 1h35 secondes, je dois le dire, et non 1h35 minutes. C'est un drôle d'amalgame. Ils sont qualifiés comme étant groupe Black Death Progressif Metal. Oui, il y a de ça là-dedans, mais il y a même d'autres substances qui sont des fois difficiles à, comment je pourrais dire, à cataloguer, qui vont d'un spectre à l'autre de la musique metal. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je ne connaissais pas la formation deux semaines. J'ai découvert cet album-là, London, avec quand même j'avais une certaine curiosité. Je l'ai découvert avec un certain plaisir, je dois dire. J'ai attribué une note de 7,5 sur 10, ce qui est ce qui pour moi est une valeur, je dirais, entre en bon français, safe. J'ai réécouté l'album à quelques reprises. Je ne lui ai pas encore trouvé de qualité supérieure à ce que je lui ai donné présentement, mais en contrepartie, aucune qualité inférieure. Donc, je vous propose trois pièces qui sont tirées de cet album London. Je vous propose les pièces suivantes: Music for the Recently Bereaved, Vicarious Lover et Megan. Trois pièces tirées de cet album London Voices. Et j'espère que vous allez aimer. Go! dead London sighs dense anxiety. Yeah! travels by night, journeys without destination in cold buses and cold patrons without features. He wonders if indeed they are anything like him, without identity and soul, bereft of purpose. Condemned to exist in small hours. Condemned to exist in small hours. Not real people at all. Rats and maggots incapable of keeping the rhythm of humanity. Sent alone to survive outside the hive. Distinct from the dealers, pimps, burglars and filth, at least they possess a crass purpose. Fighting for urban survival amongst themselves. Boldly contaminating Lambeth street corners under pestilential night skies, they retreat when dawn light bleeds through clouds and the city stirs from slumber. sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Fou de contraste. C'est fou, 89.1. Opération Nez Rouge de Trois-Rivières recherche des gens qui ont envie de faire un choix triomphal. Être bénévole pour la campagne 2014. Que vous soyez seul, entre amis, collègues, sachez qu'il est maintenant temps de vous inscrire au www.opérationnezrouges.com. Toutes les personnes ayant retourné leur formulaire avant le 1er décembre sont éligibles pour gagner une tablette gracieuseté de HP et Infotech. Plusieurs prix à gagner et plein de nouveautés. On vous attend pour plus d'informations. 819-373-5121. Cet hiver, impliquez-vous pour Opération Nez Rouges. Le temps d'une pinte, microbrasseurs et microtorréfacteurs se rassemblent pour vous faire découvrir des saveurs locales du petit matin jusqu'en fin de soirée. Des bières traditionnelles et novatrices, des cafés frais torréfiés autour d'une table évolutive et originale. Lieu de prédilection pour une session d'études, un souper et une soirée conviviale dans un cadre rustique évoquant l'époque ouvrière. Parce qu'il fait soif d'originalité et de qualité. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université à pied au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Du lundi au jeudi, Assemblage Requis vous sert un petit déjeuner complet. Au menu, des chroniques nutritives faites maison, des segments fraîchement préparés par nos chefs chroniqueurs et de la musique savoureuse. Deux pelletés de contenu pour commencer la journée la tête bien remplie. Est-ce qu'on peut faire moins d'analogies de déjeuner? Je te promets rien. Assemblage Requis avec Mathieu Plante et Stéphanie Paradis. Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. En direct à partir de 7h30. Sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Fou de trouvailles. C'est fou, 89.1. h 02 et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show sur les sondes de CIFU 89.1 FM et jusqu'à 21h. On vient entendre la formation, en fait, 3 extraits de la formation britannique Voices, 3 pièces tirées de l'album London, soit les pièces Megan à l'instant, qui est probablement une de mes préférées de l'album, Vicarious Lover, et un ouvert avec Music for the Recently Bereaved. Je le disais tout à l'heure, c'est particulier, c'est très particulier. D'ailleurs, moi, lorsque vous pouvez lire quasiment textuellement ce que je vais vous dire sur le site de Réanimation, réanimationad.com, première écoute, je me demande complètement ce qui se passe, je ne suis pas certain. Deuxième écoute, c'est la même chose encore, je ne comprends pas vraiment, mais je commence à supposer que je me casse peut-être trop la tête, que c'est simplement un band qui a décidé de s'éclater, de sortir à peu près tous leurs trips musicaux sur un même album. Ça donne des trucs qui parfois frisent même un petit peu l'industriel. Je le dis, c'est très éclaté. J'ai aimé l'originalité qui s'en dégage. Je trouve que c'est rafraîchissant au niveau du métal. Je dis pas que c'est la fin du monde, là. Mais quand même, il reste que c'est un album que je trouve intéressant à découvrir parce que c'est justement pas comme tout ce qui se fait. Autre chose, mais ça, je vais vous en entretenir beaucoup plus la semaine prochaine parce que ce sera ma présentation. Il s'agit d'une formation canadienne qui porte le nom de Idol of Fear, qui donne dans un expérimental black death metal. Encore ici, là, ça pourrait par moment... C'est plus structuré conventionnellement que ce qu'on vient d'entendre avec Voices, mais c'est quand même relativement éclaté. Je crois que c'est leur première parution, si je ne m'abuse, je devrais vérifier. Je vais vous le dire à l'instant. Non, je vais vous le dire plus tard. C'est indépendant. C'est un album qui s'appelle All Sights Affixed Ablaze. Ça vient de sortir. C'est intéressant, je dois le dire. J'ai été quand même agréablement surpris ici aussi. Donc, je vous présente ça la semaine prochaine, Idol of Fear. Je vous en donnerai quelques détails tout à l'heure, là, si je pense d'aller vérifier tout ça. Chronique cinéma, ça s'en vient. Chronique série télévisée aussi, ça s'en vient. D'ailleurs, je pense que Rockmaster va être fort intéressé s'il écoute la radio de ce que je vais lui dire. En parlant de Rockmaster et de Rock Classique, bien sûr, et bien ce vendredi, Alain Lefebvre, le Rockmaster et moi, votre humble serviteur, eh bien, nous débuterons la première série de trois rétrospectives de 2014. On va s'adresser dans le premier tiers de en fait c'est le premier janvier, février, mars, avril, bon, les quatre premiers mois effectivement de 2014 dans ce qui a été pour nous autres des albums intéressants, des albums plus intéressants, à la rigueur des fois des albums moins intéressants aussi, spectacles qui nous ont marqués, pièces associées bien entendu. Écoutez, ça va être ça risque d'être fort, fort intéressant, je dois dire. On va entendre cette semaine des trucs comme Black Sabbath, bien entendu, qui sont venus nous voir en avril dernier. David Crosby, Big Hell, Vintage, Caravan, The Wolf Mother, Nashville, Pussy, Steel Panther, Grand Magus, Mayhem, Epica, Carcass et Trapticon, entre autres. Le Rockmaster va nous présenter une formation australienne des années 60 du nom de The Master's Apprentice. Et moi, je vous présenterai quelques extraits du nouveau ACDC. Je vous en dis pas plus, vous devrez être présent à compter de 11h ce vendredi pour avoir tous les détails de cette émission qui sera fort chargée et probablement remplie de rebondissements. Ceci étant dit, allons faire un tour du côté du métal progressif dans sa forme la plus, je dirais, pure, dans sa forme peut-être aussi la plus excellente, puisque nous allons débuter ce long bloc qui peut-être sera entrecoupé d'une petite pause, une petite intervention. Je vais voir au fur et à mesure, histoire que vous ne vous endormiez pas, mais je ne crois pas que ce sera le cas. Je parle bien sûr de la formation Opeth, une pièce que l'on retrouve sur Ghost Reveries, qui est paru en 2005, un très bon album de cette formation. Je parle de la longue pièce de 10 minutes et 41 secondes, précisément, qui porte le titre de Buying of the Hounds. Opeth, go! Power! I'm the monstrous one. de découverte. C'est fou, 89.1. Samedi le 13 décembre, 21h30, votre café-bar Le Zénobre reçoit le trio Jonathan Turgeon. Avec en première partie, le Kite Trio. 5$ à la porte. Pour une soirée jazz moderne, soyez au Zénobre ce samedi 13 décembre. Le Zénobre, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Débat, enquête, entrevue. Pour tout savoir sur les enjeux étudiants, ne manquez pas les coups des franches avec Yann Bellemare et Jean-François Chapdelaine. Tous les lundis, 13h. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classique. Rock Classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Pour le meilleur du métal progressif et obscur, ne ratez surtout pas Progression Chaotique, tous les mardis de 21h à 23h. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 18h. En rediffusion, les samedis à 20h. Merveilleux. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. h 35, et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Il reste encore 25 minutes à cette émission. On vient d'entendre à l'instant la formation suédoise Meshuga et la pièce I Am Colossus, pièce d'ouverture de l'album Colossus qui est paru en 2012 sur Nuclear Blast. Gorguts, leur cinquième album studio complet. L'album étant Colored Sands et la pièce An Ocean of Wisdom qui est paru en 2013 sur Season of Mist. C'est un très bon album. On a eu Mastodon et la pièce Circle of Sisquatch que l'on retrouve sur Blood Mountain, un album qui est paru en 2006, déjà 8 ans et plus. Et on a ouvert avec Hopeth et l'excellente pièce The Baying of the Hounds que l'on retrouve sur Ghost Reveries, paru en 2005 sur Roadrunner. Côté cinéma, écoutez, j'ai vu quelques trucs relativement intéressants, je dois dire, voire bien, très bien. Le premier, je vous parle, est un film tourné pour la télévision qui porte le titre de Lizzie Borden Took an Axe, qui est un film à caractère historique, bien entendu, qui relate la fameuse accusation de cette jeune Lizzie Borden qui aurait été accusée d'avoir tué, assassiné son père et sa belle-mère avec probablement une hache, du moins un objet coupant. Et... En fait, comment pourrais-je dire, c'est quand même un film qui a été fait de façon, je dirais, intelligente. Ça met en vedette une actrice que je n'aime pas du tout habituellement, qui est Christina Ricci. J'ai toujours trouvé que c'était une petite garce dans son attitude, mais ici, je dois dire qu'elle est très bonne dans le rôle de Lizzie Borden, peut-être parce que c'était... un rôle non pas de composition. Et ce qui est bien dans ce film, c'est que on relate un peu de façon romancée, bien entendu, jusque avant les événements qui l'auraient conduit à commettre ces horribles crimes dans sa propre demeure, finalement. L'étape de l'enquête, l'étape de rassemblement des preuves, des témoignages, jusqu'au procès pour finalement qu'elle soit acquittée. Et le film finit sur une note qui est relativement, cinglante. Bref, je vous laisse le découvrir, Lizzie Borden Took an Axe. C'est disponible en DVD Blu-ray. Je vais donner un 7,5 sur 10, quand même bien. C'est fort correct comme film. Autre truc, que j'ai apprécié aussi. Il s'agit du film, en fait, je l'ai vraiment apprécié celui-là et je pense que je me propose vraiment de le réécouter pour probablement l'apprécier encore plus. C'est Predestination, un film de science-fiction trailer qui met en vedette, je dois le dire, le très bon Ethan Hawke et Sarah Snook, qu'on a revu aussi, elle, dans Jezebel. C'est un film des frères Michael et Peter Spierig. J'ai accordé un 8 sur 10. C'est un film qui met en scène des voyages spatio-temporels, des voyages dans le temps. Et c'est très difficile à s'attaquer à ce genre de truc sans tomber dans des stéréotypes qui deviennent complètement aberrants. Ici, ils l'ont fait de façon, je dirais, admirable. Les chronologies sont très difficiles à respecter dans ce scénario. Ils le font très bien. Et c'est aussi, ma foi, très surprenant comme film. C'est un film qu'il faut... En fait, ça s'adresse peut-être pas à tout le monde, je dois le dire, parce que faut être très attentif, mais il faut être aussi patient dès le début, parce que les longues conversations qu'on nous présente dès le départ entre le personnage interprété par Sarah Snook et celui de Ethan Hawke mettent en situation vraiment ce qu'on va, l'action qu'on va découvrir, mais aussi avec énormément de détails qui, sans être perçu ou sans être bien compris, pourrait nous perdre complètement dans le film. Donc, Predestination, c'est un film que je vais certainement réécouter avant longtemps et je vous le conseille. Autre truc que j'ai trouvé quand même assez bien, je dois dire, c'est un film de science-fiction qui s'appelle The Maze Runner. C'est traduit par Le Labyrinthe. C'est un film de Wes Ball qui met en vedette des jeunes acteurs que j'avais peut-être déjà entrevus dans d'autres films, mais que je ne pouvais mettre aucun nom dessus. En fait, on nous amène de façon étrange, on comprend à peu près qu'à la fin, que des jeunes sont amenés dans une espèce de territoire fermé, qui sont laissés un peu à eux-mêmes, doivent constituer leur propre organisation, leur propre communauté, si on veut, pour subvenir à leurs propres besoins. Et il y a une seule et unique issue qui tombe sur un labyrinthe, et ce labyrinthe est, ma foi, relativement mortel. Et c'est un nouveau venu, parce que ces gens ne savent pas pourquoi ils se retrouvent là. Ils ont une perte de conscience totale, et c'est ce nouveau venu qui décidera d'aller un peu plus loin. C'est original comme film. On nous propose une façon différente d'aborder l'aspect de la science-fiction. Et aussi, je dois dire que, mis à part quelques... un acteur en particulier qui ne me revient pas du tout, là, dont j'oublie le nom, le reste est quand même bien acté. Et aussi, ce qui était, en fait, avant d'arriver à la toute fin, je me suis dit, on nous amène où à un certain moment donné pour comprendre qu'il y aura probablement une suite. Donc, faut pas s'en faire si à la fin, on comprend plus ou moins pourquoi on nous réserve une suite à ce film de Maze Runner. Autre chose, j'ai débuté, et j'avais vraiment hâte de débuter, il s'agit de la 7e saison de Sons of Anarchy. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du Rockmaster, je sais qu'il est un fan de Sons of Anarchy, comme moi. La 7e saison... qui, ma foi, si vous avez suivi les 6 précédentes, vous avez vu qu'on monte constamment en crescendo, en intensité, mais aussi en violence. La 6e saison se terminait sur un dernier épisode, ma foi, fort surprenant par moments, et je dois dire assez sanglant. Eh bien, la 7e saison commence comme l'autre s'est terminée, c'est-à-dire assez intense et assez violente. Donc, Sons of Anarchy... loin de l'avoir terminé, évidemment, mais j'ai quelques épisodes d'écouter et ça s'annonce à être vraiment très bon comme saison de clôture de cette série. Aussi, la semaine prochaine, je vais vous parler du film de Guyver, qui est un film de science-fiction à connotation fantastique et qui met en vedette Jeff Bridges et Meryl Streep. Et oui, effectivement, il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu, elle. Mais bref, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Je n'en ai aucune idée jusqu'à présent. Et le film que je vous recommande de découvrir ou de revoir cette semaine est un film d'action, un film, un drame à caractère social d'action qui porte le titre de Green Street Hooligans, qui a été fait en 2005 et qui met en vedette... chose intéressante, il y a un rapport avec ce que je viens de vous parler avec Sons of Anarchy, c'est Elijah Wood et Charlie Hunnam, celui-là qui interprète le fameux Jax Teller dans Sons of Anarchy. C'est un film qui raconte, vraiment les... Est-ce que c'est des exploits? Non, je ne sais pas, quoique par moment ça doit l'être. Les frasques des Hooligans en Angleterre, ces fameux partisans du foot, ils appellent le football, eux, mais c'est plus une connotation de soccer pour nous, peut-être. C'est vraiment très, très bon. Ça raconte l'histoire d'un Américain qui décide d'aller chez sa sœur qui habite en Angleterre parce que ce qu'il vit présentement va pas très bien, puis qu'il doit se ressourcer, changer les idées. Et il tombe sur ce qui deviendra pour lui un ami, Charlie Hunnam, le fameux Jax, dans Sons of Anarchy. Et de fil en aiguille, il est entraîné dans cette bande de Hooligans qui sont des fracasseurs, qui sont des bagarreurs de façon assez violente, je dois dire. C'est très bien fait comme film, c'est fort captivant. Green Street Hooligan, je vous le recommande, je lui donne toujours un 8,5 sur 10. Il nous reste à peine le temps de se taper ce délectable prochaine nouveauté qui est de la formation polonaise Behemoth, trois pièces tirées de ce très bon album, je dois dire. J'ai beaucoup aimé Xiads, qui est un album, en fait, c'est un mini-album de trois pièces auquel j'ai accordé une note de 8. C'est du Behemoth, mais parfois, on semble vouloir explorer quelque chose, quelques subtilités supplémentaires. J'ai beaucoup aimé, c'est sorti sur New Ion Music, c'est disponible uniquement en vinyle, et c'est paru, c'est hier, ça aussi, c'est paru hier le 1er novembre. Je vous propose les trois titres associés à cet album, soit respectivement dans l'ordre Nyeboga, Xani, Xiads, Moonspell Rites et Towards the Dying Sun We Match. Donc, je vous invite à rester à l'écoute de C'est Fou, puisque dès 21h, c'est Progression Chaotique qui sera en onde. Et la semaine prochaine, je vous reviendrai avec une présentation qui est Idol of Fear. Donc, sur ce, eh bien, je vous incite cordialement à tous aller vous faire foutre. C'est où?